tout-puissant et il est riche, très riche. C'est pourquoi on lui déroule le tapis rouge. Nour-Sultan Nazarbayev, président quasi inamovible du Kazakhstan. Papa, comme ses fidèles l'appellent. Un ancien apparatchik communiste qui règne sans partage sur cet immense pays de l'Asie centrale, une ex-république soviétique. Oui, on lui fait les yeux doux, car le Kazakhstan, c'est un peu le nouvel Eldorado. Sous ces steppes désolées, on trouve en quantité de l'uranium, des métaux rares, du gaz, du pétrole, bref, il y a là de quoi susciter maintes convoitises. Et d'abord, à l'intérieur même du pays, où s'édifient des fortunes considérables sur fond de féroces luttes claniques. Mais aussi à l'extérieur, où les multinationales et les grandes puissances lorgnent sur ce trésor qui semble inépuisable. Il n'est, jusqu'à Vladimir Poutine, qui voudrait faire du Kazakhstan l'un des piliers de son grand rêve, l'édification d'une union eurasienne qui serait à l'Est le pendant de l'Union européenne, c'est-à-dire le rassemblement sous sa houlette des peuples slaves et turcophones. Bref, au fond, la reconstruction de l'ex-empire soviétique. Et la France ? Elle est aussi concernée par les affaires kazakhes. Et d'abord, parce que nos industriels et nos hommes politiques manifestent beaucoup d'appétit pour la richesse de ce pays et les contrats qu'on peut y signer, quitte parfois à user de procédés douteux. Ainsi, la justice s'intéresse particulièrement au sénateur Emery de Montesquieu, qui vient de perdre son immunité parlementaire à cause de son intervention supposée dans une vente d'hélicoptères. Et ensuite, assez curieusement, parce que des affrontements entre les oligarques kazakhs se sont déportés chez nous pour le plus grand embarras de la justice française. Dans un instant, les explications de Monsieur X. Rendez-vous avec X. Une image pour commencer. À Astana, la nouvelle capitale du Kazakhstan, une ville ultramoderne surgit des steppes et il y a une très haute tour qui symbolise les ambitions du pays. Au sommet, au milieu d'une plateforme vitrée qui surplombe les toits de la ville, se trouve une imposante sculpture en or et platine représentant une main. C'est l'empreinte agrandie de la main du maître du pays, le président Nazarbayev. Auquel on doit rendre ainsi une sorte de culte. Exactement, une main quasi divine, une idole païenne. Ouais, mais rassurez-moi, le Kazakhstan est quand même une république, non ? En principe, oui. Toutefois, Nazarbayev y règne en dictateur depuis un quart de siècle. Et avant l'implosion de l'URSS, il était premier secrétaire du Parti communiste kazakh. Oui, cet ancien ouvrier métallurgiste, pur produit de la méritocratie communiste, était donc déjà le numéro un du pays. Ouais, il était installé sur le trône. Et à l'image de la plupart des autres dirigeants des républiques d'Asie centrale, cet apparatchik communiste s'est coulé sans difficulté dans la peau d'un véritable monarque. Mais je vais y revenir. Quelques généralités d'abord sur cet immense pays grand comme toute l'Europe de l'Ouest. Le Kazakhstan, sans remonter jusqu'à Genghis Khan, a toujours été la proie des envahisseurs. Les derniers étant les Russes au XVIIIe siècle. Moscou s'est alors assuré progressivement de l'allégeance des trois hordes qui régnaient sur le pays. Et la colonisation a suivi. Oui, une colonisation de peuplement où, tandis que la noblesse kazakh adoptait la langue russe et les coutumes occidentales, on a vu des paysans russes s'approprier les terres à cultiver au détriment des nomades kazakhs qui élevaient leur bétail. Et ça a forcément provoqué les tensions. Et même un éveil du nationalisme kazakh. D'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, des Kazakhs se sont soulevés pour protester contre la conscription et les réquisitions. Et les Russes y ont répondu par des massacres. Ouais. Et ensuite, alors, après la Révolution d'octobre ? Ah ben, le changement a été radical. Lénine a tout fait pour s'attirer le soutien des peuples halogènes. Ouais. En leur accordant une semi-autonomie. Oui, c'est ainsi qu'est née, dans les années 20, la RSA kazakh. Puis, en 1936, nouveau statut, la République socialiste soviétique du Kazakhstan devient un État-nation partie constituante de l'URSS avec la Russie. Ouais. Et pendant la Seconde Guerre mondiale et les années qui ont suivi, hein, le Kazakhstan est devenu un autre goulag. Oui, pour les soldats allemands prisonniers, mais aussi pour tous les peuples déplacés par Staline. Les Caucasiens, mais aussi les Polonais, les Lituaniens ou les Ukrainiens. Un goulag aussi terrible que son homologue sibérien. Au Kazakhstan, il fait 40 degrés l'été et moins 40 l'hiver. Enfin, passons. Après-guerre, comme dans les autres républiques soviétiques, on institutionnalise le clanisme et le clientélisme qui va avec. Ça se traduit par une véritable glaciation du système politique. C'est-à-dire ? Le premier secrétaire du parti, Konaïev, reste par exemple en place pendant plus d'un quart de siècle. Et après le très court intérim d'un russe, c'est un fidèle de ce Konaïev qui devient le nouvel homme fort du pays, Nursultan Nazarbayev. Qui est donc toujours en place. Oui, seule différence, il n'est plus premier secrétaire, mais président de la République. Et avec lui, c'est un clan familial qui règne sur le Kazakhstan. Il a placé tous ses proches à des postes de premier plan, c'est presque caricatural. Précisez. Sa fille aînée, Dariga, une chanteuse d'opéra, a fait main basse sur les chaînes de télévision du pays tout en étant députée au Parlement. Son gendre, Timur Kulibayev, que d'aucuns voient comme le dauphin, est le parrain du pétrole kazakh et le spécialiste incontesté du pot de vin. Selon les câbles de l'ambassade américaine rendus publics par Wikileaks, il a touché plusieurs centaines de millions de dollars de dessous de table. Mais je pourrais aussi citer la Benjamine des filles, Alia, qui est à la tête de la principale entreprise de BTP du pays. Ouais, qui doit donc bénéficier des commandes de l'État. Ah, c'est évident, c'est elle qui est chargée des mirifiques travaux de la nouvelle capitale, Astana. Et ça lui permet de mener un train de vie fastueux. Il faudrait également parler de Nurali, le petit-fils qui est omniprésent dans les secteurs des télécoms et de la finance. Ou encore du neveu, Kairat, qui dirige le puissant comité de sécurité. Quant à la deuxième épouse du dictateur, une ancienne hôtesse de l'air, elle a tout simplement été nommée à la tête de la compagnie aérienne nationale. Bref, Nazarbayev a tout verrouillé au fil du temps. Et son clan familial a pu amasser une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars. Mais chut, il est interdit de parler au Kazakhstan de cette question vulgaire, comme il est interdit de parler de l'éventuelle succession de Nazarbayev. Mais quel âge a-t-il aujourd'hui, hein ? 74 ans, et on le dit en mauvaise santé, mais Je le répète, c'est un sujet tabou. Et petit retour en arrière, là. Comment ça s'est passé à l'heure de l'indépendance? C'est assez curieux. Lors de l'implosion de l'Empire en 1991, les dirigeants kazakhs n'ont pas accueilli avec un grand enthousiasme l'indépendance qui leur était de facto offerte. Pourquoi? Ils se trouvaient très bien au sein de l'URSS? C'est certain. Et ils n'ont eu de cesse, après la proclamation quasi unilatérale de la CEI, la Communauté des États indépendants, d'obtenir qu'elle soit élargie aux républiques d'Asie centrale. Non slave. C'est ça. Car il y avait chez eux la crainte que leurs nombreuses populations russophones ne fassent sécession et veuillent rejoindre les autres républiques slaves, c'est-à-dire la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, alors, quels sont les rapports entre le Kazakhstan et la Russie de Poutine? Ils sont excellents, même si Nazarbayev a pris soin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en signant en particulier plusieurs accords économiques bilatéraux, tant avec des pays occidentaux qu'asiatiques. Et ça tient aussi à la position géographique du Kazakhstan, qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie. La règle, c'est donc la prudence. Et la nécessité de l'équilibre, oui. Ainsi, si Nazarbayev a refusé l'implantation de bases militaires états-uniennes dans son pays, il a accepté de participer à la coalition militaire contre Saddam Hussein. Et au niveau politique intérieur, l'autocrate Nazarbayev, permet-il une expression politique, hein? Sous la pression de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, il a été obligé d'ouvrir très légèrement le Parlement à quelques représentants des partis d'opposition. Mais le geste est surtout symbolique, car son autorité n'est pas sérieusement remise en cause. Faut dire que les Kazakhs le considèrent comme le père fondateur du pays, le leader de la nation, comme il aime à se présenter. En 2011, il a par exemple été réélu avec 95% des voix. Un score post-soviétique, ça. Oui, mais on sait ce qu'il faut penser de ce genre de score. Car dans la vie réelle, les Kazakhs ne sont pas aussi enthousiastes. Toujours en 2011, au mois de décembre, une manifestation d'ouvriers du pétrole est réprimée dans le sang. Et pourquoi cette manifestation? Pour protester contre des salaires trop bas, mais aussi pour dénoncer la corruption de l'administration et l'avidité des entrepreneurs. La police réprime avec férocité. Plusieurs dizaines de manifestants sont tués. Et aussitôt, le pouvoir accuse des agitateurs islamistes de se trouver derrière les manifestants. C'est d'ailleurs le prétexte trouvé par le gouvernement pour écraser toute velléité de protestation sociale. Oh ben, les dirigeants chinois n'agissent pas autrement avec les opposants ouïghours, hein. Et quelle est justement la situation religieuse au Kazakhstan? Il est indéniable qu'on y constate une montée de l'islamisme wahhabite ou salafiste depuis une dizaine d'années. Alors que jusque-là, le pays était faiblement islamisé et qu'il s'était doté d'une constitution se réclamant de la laïcité lors de l'indépendance. Mais depuis, on a observé l'arrivée de prédicateurs arabes, pakistanais, afghans ou tchétchènes qui ont commencé à exploiter les tensions interethniques ou les luttes de clans. Et n'ont pas eu de mal à démontrer que la considérable manne de pétrodollars qui tombait sur le pays était injustement redistribuée. Mais donc les accusations contre les islamistes ne sont pas entièrement infondées. C'est juste. Mais ils ne font que souligner l'état du régime. Oui, et en en tirant profit. Bien entendu. Mais peuvent-ils menacer le pouvoir? Tant que Nazarbayev est au pouvoir, c'est improbable. Et d'abord, parce qu'il ne fait pas bon s'opposer à la mainmise du dictateur et de son clan familial sur le pays. Et certains l'ont déjà payé de leur vie. Un avis d'expert sur la situation actuelle du Kazakhstan, celui de la chercheuse Hélène Rousselot. Extrait de l'une de ses récentes analyses. Le régime kazakhstanais, qualifié de sultanesque par plusieurs observateurs, entame sans doute une phase de déliquescence. En témoignent les luttes entre l'armée, la police et les forces de sécurité, notamment l'ex-KGB et le ministère de l'Intérieur. L'influence de la famille du président au sein de l'exécutif exaspère les élites au pouvoir dont les alliances se recomposent souvent en fonction d'enjeux divers et conduit à des dissensions permanentes. De plus, la dérogation à la règle de la représentation des différents clans, d'origine régionale ou pas, à la tête des organes de pouvoir, peut entraîner aussi des tensions qui se traduisent par des scandales politico-financiers et des accusations de corruption. France Inter, Patrick Pénaud, a rendez-vous avec X. Vous évoquiez le danger parfois mortel qu'il y avait à s'opposer au dictateur kazakh. Deux exemples, si vous voulez bien. Zamembek Nour Kadilov, d'abord. Cet ex-ministre des situations d'urgence était devenu un farouche opposant. Il avait même osé comparer Nazarbayev à Ceausescu. Une erreur fatale. En 2005, il a été assassiné chez lui. 3 balles dans la tête. Ça ne pardonne pas. C'est l'œuvre de professionnels. Bon, ça semble évident. Deuxième cas, celui d'un ancien ministre de l'information, Altinbek Sarsambayev. Lui aussi était passé dans l'opposition. En 2006, il a été retrouvé dans la neige sur les hauteurs d'Astana. Il avait les mains liées et 2 balles dans la nuque. Son garde du corps et son chauffeur ont subi le même sort. Et ça explique pourquoi d'autres éminents opposants ont préféré s'exiler. Et avant d'être tués. Ou d'être conduits dans une prison spécialement réservée aux prisonniers politiques où l'on survit dans des cellules de 4 mètres carrés. Et parmi eux, il y a Viktor Krapounov, l'ancien ministre et maire d'Almaty. Ce richissime politicien, réfugié en Suisse, sur la rive des milliardaires du quartier Genevois huppé de colonies, est en effet au centre d'une impitoyable vendetta qui sévit au sein même des privilégiés du régime. Mais je vous rassure tout de suite, ces quelques épisodes embarrassants ne nuisent nullement aux bonnes relations que de nombreux pays continuent à entretenir avec le Kazakhstan. Ben, à commencer par la France, il n'y a pas si longtemps. Le président Hollande y a effectué une visite officielle. En décembre 2014, oui. Et avant lui, on y a vu Nicolas Sarkozy. C'est d'ailleurs sous le quinquennat de ce dernier que l'amitié forcément intéressée entre les deux pays a été célébrée avec le plus de ferveur. Alors, voyons ça de plus près. Il faut d'abord souligner que le Kazakhstan est un partenaire important de la France. C'est son deuxième fournisseur de pétrole, mais aussi son premier fournisseur d'uranium. C'est d'ailleurs dans le domaine nucléaire que la coopération avec la France est la plus étroite. C'est-à-dire ? Après l'abandon d'un projet commun avec Moscou, la construction d'une usine de séparation isotopique. C'est Paris qui a pris le relais. En 2010, Astana a confié au groupe Areva la construction d'une usine de production de combustible nucléaire dans l'est du pays, via la création d'une filiale commune. Et tout ça va de pair avec l'établissement de relations politiques cordiales. Oui, oui. Dès juin 2008, Nazarbayev s'est rendu à Paris pour signer un traité de partenariat stratégique. Puis les deux présidents, Sarkozy et Nazarbayev, se sont rendus plusieurs visites. Certains parlementaires français se sont aussi montrés très actifs. Par exemple, le député UMP Thierry Mariani, qui est le président du groupe d'amitié France-Kazakhstan. Il y a fait plusieurs visites, dont au moins 2 fois, avec des représentants d'une filiale de ADS, Astrium, afin de défendre l'offre de l'industriel dans le domaine spatial. Et c'est l'occasion de rappeler que le Kazakhstan, avec le site de lancement de fusées de Baïkonour, joue un grand rôle dans ce domaine. Mais le recordman absolu des voyages au Kazakhstan est incontestablement le sénateur centriste Emery de Montesquieu. Il serait allé 100 fois, il ne tarit pas d'éloges sur le président Nazarbayev, qui pour lui est un grand dirigeant, un chef d'État qui a tout fait pour éviter de brader ses matières premières. Mais en même temps, cet amour débordant pour ce pays lui vaut aujourd'hui des ennuis judiciaires. Puisque le bureau du Sénat vient même de lever son immunité parlementaire, oui. Mais j'y viens dans un instant. On a même parlé de Kazakhgate. C'est exact. Toutefois, auparavant, je voudrais évoquer une affaire qui empoisonne nos relations actuelles avec Astana et qui jette aussi une lumière crue sur les mœurs politiques en vigueur au Kazakhstan. Mukhtar Ablyazov, ce nom vous dit quelque chose? Oui, c'est celui d'un milliardaire kazakh qui est emprisonné en France et dont le Kazakhstan voudrait obtenir l'extradition. Et son histoire pourrait aussi fournir la matière d'un palpitant roman policier, je vous explique. Ablyazov, un quinquagénaire chauve et joufflu, est un oligarque, l'égal de ces Russes qui, sous Eltsine, ont édifié de colossales fortunes. Oui, en s'emparant, sans beaucoup de scrupules, des richesses de leur pays à la faveur des privatisations. Hein. C'est ça. Mukhtar Albiazov, que ses détracteurs surnomment le Madoff de l'Asie centrale, est donc aujourd'hui emprisonné en France depuis 2013. Pour les uns, c'est d'abord un opposant politique. Et pour les autres, c'est un escroc génial. Alors, votre avis ? Ils ont peut-être tous raison. Enfin, n'allons pas trop vite. Alors, son histoire, Albiazov est un ancien physicien spécialisé en énergie atomique qui a bâti sa fortune à la chute de l'URSS en devenant notamment actionnaire principal d'une banque étatique. Mais il a été aussi ministre de Nazarbayev de 1998 à la fin 2001. Oui, donc un homme parfaitement intégré au système. Oui, puis il est passé dans l'opposition. Et pour avoir créé un parti politique, il a été emprisonné. Cependant, heureusement pour lui, une campagne internationale a été lancée en sa faveur. Il a fini par être élargi, après avoir promis de cesser toute activité politique. Mais il a jugé plus prudent de s'installer à Moscou, d'où il a financé secrètement l'opposition. Donc il a enfreint sa promesse. C'est certain. Pourtant, en 2005, Nazarbayev lui propose de rentrer au pays et de reprendre la tête de la BTA Bank, cette banque étatique dont il avait déjà été actionnaire. Nazarbayev pense ainsi le faire taire ? Bien sûr. Mmh. Et il accepte ? Oui. Albiazov détient alors 75% des parts, directement ou indirectement. Mais ça ne s'arrange pas pour autant avec le président qui, en fait, voudrait s'emparer de la majorité des actions de la banque. Ça me paraît pas très logique, puisque c'est lui qui a fait revenir Albiazov. Oui, mais il s'est aperçu qu'Albiazov lui échappait et qu'il représentait toujours un risque politique. En tout cas, pour arriver à ses fins, Nazarbayev finit en février 2009 par privatiser autoritairement la BTA en prétextant qu'elle est au bord de la faillite. Et c'est vrai ? Un audit révèle un trou de 10 milliards de dollars dans les comptes et des preuves d'une fraude massive. Donc serait responsable Albiazov ? Oui. Aussi, celui-ci sentant le danger, s'empresse de se réfugier à Londres, où on lui accorde le statut de réfugié politique. Et il y vit comme un nabab dans une grande maison, Carlton House, qui comporte entre autres une salle de bal et un hammam. En outre, Albiazov possède un manoir à la campagne et occupe de luxueux bureaux dans la city. Ça signifie qu'il n'est pas parti du Kazakhstan les mains vides. Ah, c'est évident. Et Nazarbayev veut se venger et lui faire rendre gorge. Mais comment ? En l'attaquant en justice. Pas moins de 11 plaintes sont déposées devant la haute cour de justice à Londres. Tant et si bien qu'un juge britannique ordonne le séquestre de tous les actifs de Mukhtar Albiazov. Une décision difficile à mettre en œuvre car le patrimoine de l'oligarque est détenu directement ou indirectement par une constellation de sociétés offshore. Puis j'imagine qu'Albiazov ne doit pas se laisser faire. Bien entendu. Il est même très sûr de lui, car c'est à son tour d'attaquer. Il affirme par exemple que l'entrée en force du président kazakh dans le capital de la BTA a entraîné des retraits massifs parmi les petits épargnants et les créanciers étrangers. D'où la débâcle. Oui. Et explique-t-il, Nazarbayev veut me détruire parce que je suis un opposant politique. Et pas un voleur. C'est sa ligne de défense. Observons au passage qu'Albiazov est aussi poursuivi en Russie pour blanchiment, escroquerie à grande échelle, abus de confiance, etc. Il en est de même en Ukraine. Parallèlement, les avocats de la BTA Bank lancent des équipes de détectives chargées de débusquer le gigantesque système qui a permis à Albiazov de dissimuler ses avoirs dans des paradis fiscaux via la création de quelques 600 sociétés. Mais concrètement, là, que donnent ces actions judiciaires ? En février 2012, Albiazov est condamné à Londres à 22 mois de prison pour parjure et outrage à la cour parce qu'il a oublié de déclarer certains de ses actifs. Mais l'oligarque n'a pas assisté à toutes les audiences de son procès. Pourquoi il a préféré fuir ? Oui, et c'est le début d'une cavale à travers l'Europe qui va durer 18 mois. Tandis que plusieurs jugements sont rendus à Londres en faveur de la BTA Bank. Au total, on réclame à Albiazov 4 milliards de dollars. Ça, c'est une première victoire pour Nazarbayev. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, naturellement, les escouades de détectives mobilisées par Nazarbayev essaient de mettre la main sur le fugitif qui fait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol. en se faisant aider au besoin par les polices locales. Quel résultat ? Fin mai 2013, les forces spéciales italiennes prennent d'assaut une villa dans la banlieue de Rome. Mais l'oiseau s'est déjà envolé. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Sophie des Déserts a publié en juin 2014 dans le Nouvel Observateur un long article très documenté sur Mokhtar Abiazov. J'en extrais ces quelques lignes. Abiazov s'est d'abord présenté devant les juges londoniens avec l'assurance du joueur d'échecs. Il leur dit en substance que Nazarbayev a inventé de toutes pièces cette histoire de fraude pour nationaliser la banque et le priver de ses biens, ce qui l'a conduit à mettre à l'abri quelques avoirs. Le dictateur, pourtant, l'a d'abord adoré comme un fils, lui permettant de devenir un puissant ministre de l'énergie, de l'industrie et du commerce, un businessman aux affaires florissantes, propriétaire d'usines, de chaînes de télé, d'une compagnie aérienne, d'un terminal pétrolier. Le tycoon des steppes, l'appelait-on, jusqu'à ce qu'il dénonce, selon lui, la corruption étatique et fonde son parti, le choix démocratique du Kazakhstan. Alors, ce fut la prison. Dans la villa investie par la police, il n'y a en effet que sa femme et sa fille qui, d'une façon précipitée et illégale, car elles disposent de passeports diplomatiques centrafricains, sont aussitôt mises dans un avion pour le Kazakhstan. Et Abiazov, lui, alors ? Il est finalement arrêté chez nous, fin juillet 2013, par une douzaine de policiers cagoulés, épaulés par un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. Ah ouais, comme s'il s'était agi d'un terroriste. Exactement. Et où se trouvait-il ? Dans une maison de l'arrière-pays niçois. Les détectives privés l'ont retrouvé en pistant son avocate et maîtresse, une piquante ukrainienne. Détenue, il fait alors une déclaration très intéressante. Observant que 2013 est l'année France-Kazakhstan et qu'à l'occasion de nombreux contrats sont négociés entre Paris et Astana. Il dit espérer que son arrestation n'a rien à voir avec cela. Bref, il soupçonne la France d'avoir été trop complaisante avec Nazarbayev. Il semble, oui. Dès janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence donne son accord pour l'extradition d'Abiazov vers la Russie ou l'Ukraine en l'absence de traité d'extradition entre Paris et le Kazakhstan. L'avocate général Solange Legras paraît particulièrement hostile au Kazakh, qui n'est, selon elle, qu'un délinquant de grande envergure qui abuse de son statut d'opposant politique. Peut-être, mais la justice française ne veut pas l'extrader vers le Kazakhstan. Mais c'est faire semblant d'oublier que la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan sont liés par une convention qui les oblige à se transférer leurs ressortissants. Ah oui. En tout cas, c'est le début d'un véritable imbroglio judiciaire. En avril 2014, la Cour de cassation annule l'arrêt d'Aix. Puis, en octobre, la Cour d'appel de Lyon rend de nouveau un avis favorable à l'extradition. Mais ce n'est pas définitif. La défense d'Abiazov se pourvoit encore en cassation. Ça, si j'ose dire, c'est la surface des choses. Parce qu'en coulisses, il se mène une formidable bataille. Mais en coulisses, c'est-à-dire ? La bataille se livre aussi dans le domaine de la communication. Et tous les moyens sont utilisés. Les sites internet, les SMS, les vraies ou fausses révélations dans la presse et même le piratage informatique. Je vous donne un seul exemple, mais il est frappant. Un obscur site ukrainien, pro-Abiazov, commence dès février 2014 à rendre public des SMS ou des courriels échangés entre les avocats impliqués dans le dossier et l'avocate générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Solange Legras. Et cela dans quel but ? Démontrer la partialité de cette dernière. Mais la guerre a aussi lieu au plus haut niveau. À Moscou, à Kiev, à Paris ou à Londres, on suit l'affaire de très près et on essaie de peser. car de grosses pointures interviennent dans le débat. Le dictateur kazakh s'est ainsi offert les services de Tony Blair. Pour 9 millions d'euros par an, l'ancien premier ministre britannique est devenu le conseiller de Nazarbayev. Et l'épouse de Blair épaule le premier ministre kazakh depuis 2011. Ouais. Et en France ? On trouve aussi du beau monde. L'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Scarsini, est à la fois chargé de renseigner les autorités kazakhes sur l'avancement de la procédure judiciaire et de mener un travail de lobbying auprès de quelques personnalités françaises. C'est même lui qui prépare la visite de la délégation kazakh de passage à Paris en juillet 2014 et lui ménage des rendez-vous avec des personnalités qui comptent. À droite comme à gauche. Il n'y a qu'à la mairie de Paris où les Kazakhs trouveront la porte close. Et que se cache-t-il alors derrière cette agitation autour de l'affaire Ablyazov ? Les contrats, bien sûr. De très juteux contrats signés tant à Londres qu'à Paris avec le pouvoir kazakh. Des contrats qui pourraient être résiliés si Astana n'obtenait pas gain de cause contre Ablyazov. Au fond, ça ressemble à du chantage. Parfaitement. Et ces contrats-là sont donc si mirifiques à... Oui, je l'ai déjà laissé entendre, mais leur obtention a parfois donné lieu à de curieuses manipulations qui intéressent beaucoup la justice française. Je vous explique. Il me faut d'abord parler d'un autre oligarque kazakh, Patok Chodiev, un proche du président Nazarbayev. Celui-là était en délicatesse avec la Belgique pour une histoire de corruption. Il a donc proposé un marché à de proches conseillers de Nicolas Sarkozy. Si vous me sortez d'affaires en Belgique, je me fais fort d'obtenir de gros contrats pour l'industrie française. J'imagine qu'au passage, il pourrait y avoir distribution de pots de vin. Pas de gros mots, monsieur Penaud. Parlons plutôt de commission. Ouais, d'accord, mais ces personnages-là, pouvaient-ils faire pression sur les Belges ? Eh bien oui. Et ils vont en donner la preuve alors que Chodiev et deux autres oligarques d'origine kazakh sont poursuivis pour blanchiment, association de malfaiteurs et faux en écriture. Ouais, des accusations particulièrement graves. Eh bien, contre toute attente, en juin 2011, ils bénéficient tous trois, après négociation avec le parquet de Bruxelles, d'une transaction pénale entraînant l'abandon des poursuites en échange du paiement d'une amende de 23 millions d'euros. Et attendez, comment cela a-t-il été possible ? 3 mois plus tôt, le Sénat belge a soudainement adopté un amendement étendant les possibilités d'extinction de l'action publique, moyennant une importante somme d'argent. L'artisan de cette modification du code d'instruction criminelle a été un homme politique belge de tout premier plan, Armand de Decker, vice-président du Sénat. Et avocat. Mais les Français alors ? Ils ont fait tout pour initier l'action de ce Decker. Ah oui, mais plus précisément, qui ? À la manœuvre, il y aurait eu essentiellement l'avocate française de Chodiev, Maître de Gaulle, accompagné d'un conseiller de Nicolas Sarkozy, Étienne Desrosiers. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que l'on a observé sur les comptes de tous ces gens, y compris de Decker, des versements d'argent suspects. Des commissions, alors, pour parler poliment. Je vois que vous avez compris. En tout cas, ça vaut aujourd'hui à ce conseiller, Desrosiers, une mise en examen pour corruption. Et les contrats promis par ce Chodiev ? J'y viens. Ça commence lors d'un somptueux dîner dans un grand restaurant parisien, en septembre 2009. L'on prépare un voyage à Astana de quelques dirigeants de ADS. Mais la firme aéronautique. Oui, car il va être question d'une importante vente d'hélicoptères. Au cours de ce dîner, Damien Loras, le conseiller diplomatique de Sarkozy, se voit remettre par Chodiev une montre d'une valeur de 44 000 euros. Détail, le couple Balkany figure parmi les invités de l'oligarque. Les Balkany, mais à quel titre ? D'amis de Sarkozy, peut-être. À moins que Balkany aussi n'ait été en affaire avec les Kazakhs, car il a été vu plusieurs fois dans l'avion de Chodiev. Après tout, on ne prête qu'aux riches. Et tout ça se concrétise ? Oui, car précédemment, en juillet 2009, c'est le président français qui s'est déplacé au Kazakhstan. Il évoque avec son homologue kazakh un contrat de 2 milliards d'euros comprenant la vente de 45 hélicoptères et de 2 satellites d'observation construits par Astrium, une filiale de ADS. Et en contrepartie, les Français doivent faire pression sur les Belges pour que Chodiev échappe à une condamnation. C'est très certainement ce que Nazarbayev a demandé. Et qu'il obtiendra donc en 2011. Hein. Qu'il en soit, la signature des contrats donne lieu à une somptueuse réception en présence de Nazarbayev et des plus grands patrons français. C'est l'occasion pour le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, de rendre un hommage appuyé au président kazakh et à son pays, îlot de stabilité et de tolérance. Ben, tolérance, après ce que vous m'avez dit, ça ne me semble pas pourtant évident. Hein. En tout cas, le marché a donc été respecté de part et d'autre. Mais c'est la cellule anti-blanchiment du ministère des Finances... Tracfin, là. Hein. Tracfin, oui. Qui va soulever le lièvre de toutes ces combinaisons assorties de juteuses commissions. Et ça débouche sur les mises en examen d'Étienne Desrosiers et du sénateur Emery de Montesquieu. Non, l'immunité parlementaire a donc été récemment levée. Et juridiquement, alors, en ce qui concerne Ablyazov, où en est-on ? La Cour de cassation a confirmé, début mars 2015, la validité des demandes d'extradition de Mokhtar Ablyazov formulées par la Cour d'appel de Lyon. Alors, le Kazakh sera donc extradé ? En principe, oui, mais si le gouvernement en décidait ainsi, cette décision pourrait être encore contestée devant le Conseil d'État. Et Ablyazov aurait aussi la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Une procédure très longue, mais qui ne suspend pas l'exécution de l'extradition. Donc, si je comprends bien, la décision sera donc politique. Et c'est un vrai casse-tête pour le pouvoir. Car jusqu'ici, très peu de pays de l'Union européenne ont accepté des extraditions vers la Russie ou l'Ukraine. Enfin, si vous vouliez une nouvelle preuve de la tolérance en vigueur au Kazakhstan, selon les termes de Claude Guéant, il faudrait vous interroger à propos d'une information très récente. Le 24 février dernier, on a annoncé la mort par pendaison de Rakhat Aliyev, ancien chef des services secrets kazakhs, longtemps marié à la fille aînée de Nazarbayev. Il se serait suicidé dans une prison autrichienne où il avait été ambassadeur de son pays. Mais pourquoi était-il détenu en Autriche, là ? Pour le meurtre et la séquestration de 2 banquiers en 2007. Mais s'est-il vraiment suicidé ? Où a-t-il été assassiné, c'est ça ? Oui, car Aliyev connaissait de nombreux secrets. Le Kazakhstan réclamait en vain son extradition. Mais, ne l'ayant pas obtenu, le pouvoir kazakh s'est peut-être résolu à user de moyens plus drastiques. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par l'excellent Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes, qui a remarqué ceci. Oui Patrick, je voulais juste rappeler que c'est le site d'information en ligne ovni.fr, malheureusement disparu il y a 2 ans et demi, qui le premier a publié en février 2011 une enquête très fournie sur ce qui allait devenir le scandale du Kazakhgate. Son titre « Opération Kazakhstan, nouvel Eldorado de la France ». Son auteur, Guillaume Dasquier. Il était déjà question du sénateur Emery de Montesquieu. L'affaire, comme on le sait, n'éclatera que 4 ans plus tard avec des mises en examen. Mieux vaut tard que jamais. Et les références de l'article sont disponibles sur le site de l'émission. franceinter.fr, où vous pourrez nous faire quelques observations et même communiquer avec nous. À samedi prochain.